Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Nous avons un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui est grand, un Dieu qui est fidèle. Je vais t'encourager, mon frère. Laisse-moi te dire, Dieu est fidèle. N'écoute pas ce que les hommes te disent. Ils te disent que ton âge est déjà avancé. N'espère plus une promotion. N'espère plus te marier. N'espère plus enfanter. Mais je vais te dire que ton Dieu est fidèle. Il est capable d'accomplir tout ce qu'il t'a dit. Réveille-toi. Nous allons prier. Nous sommes à OSB. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille ton voisin. Opération sous la brèche. Apocalypse 1, 4 à 8. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Apocalypse 1, 4 à 8. Lisons ce passage. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce texte, et ce sont ces vérités qui vont inspirer nos prières. Voici la première vérité. Elle concerne les différents titres christologiques, c'est-à-dire les titres de Jésus. Vous savez, ce livre, l'Apocalypse, nous aide à mieux connaître Jésus dans sa dimension divine et humaine. Nous avons ici cinq titres christologique de Jésus. Premier titre, il est éternel. Cette éternité se fait voir à travers ses paroles. Il dit, il est celui qui était, qui vient et qui est. Le verset 4 dit, Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. C'est en réalité ce titre qu'il reprend encore au verset 8, quand il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jésus est éternel. » À ce titre-là, il est Dieu. Quand il dit « il est », cela veut dire dans le présent « il est ». Oui, il montre sa divinité. C'est les mêmes paroles que Yahvé, le Dieu d'Israël, a dites quand il a parlé à Moïse « Je suis celui qui suis ». Quand il dit qui était, il montre qu'il préexistait avant toutes choses. Car il a dit dans son évangile, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il a préexisté. Jésus n'est pas une créature comme enseignent certains, mais lui il est le créateur. Il était avant toutes choses, il préexistait. Et quand il dit, il est celui qui vient, donc il parle de son retour. Il présente sa dimension eschatologique. Il est celui qui revient bientôt. Deuxième titre christologique. Jésus se présente comme étant le témoin fidèle. Le témoin, en ce sens qu'il est resté fidèle à la mission divine. qui était de venir enseigner la parole, de venir chercher et sauver les perdus. Il a affronté la croix, il a accepté le martyre, il est mort sous la croix de Golgotha sans renier le Père. Il est le témoin fidèle, il est pour nous l'exemple. Je parle à quelqu'un, lorsque le Seigneur t'appelle au ministère, il t'appelle à la fidélité. Tu ne dois pas renier ton Dieu à cause des difficultés. Jésus a affronté, il est resté fidèle jusqu'à la mort. C'est ça le témoin fidèle. Même dans des circonstances difficiles, il reste fidèle. Troisième titre, il est le premier-né de mort. Ce titre sert à montrer que Jésus est le premier qui nous a précédés dans la résurrection. Oui, le premier-né ici, en rapport avec la résurrection. Il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Et quand on dit qu'il est le premier-né, ça veut dire que nous aussi, qui sommes des chrétiens en Christ, nous ressusciterons un jour parce que lui, il nous a précédés parce qu'il est le premier-né de mort. Quatrième titre, il est le prince des rois de la terre. Ceci démontre sa supériorité au-dessus de toutes les autorités terrestres. Le prince des rois de la terre. Vous savez, nous avons des autorités sur cette terre. Nous avons des chefs, nous avons des préfets, nous avons des ministres, nous avons des chefs d'État, nous avons des rois, même des empereurs. Mais Jésus est au-dessus de toutes ces autorités. C'est pourquoi ici Jean l'appelle le prince des rois de la terre. Quand il écrivait cette lettre, il y avait des empereurs romains tels que Domitien, tels que Néron, des gens qui commençaient à être divinisés. Mais il veut montrer que Jésus est au-dessus de toutes ces personnalités. Je vais parler à quelqu'un, quel que soit le titre que tu poses, tu peux être PDG, DG, ambassadeur, je ne sais pas, tu es à la tête d'une grande multinationale, d'une grande banque, sache que Jésus est au-dessus de toi. Il peut décider que tu sois démis de tes fonctions. Il est le prince des rois de la terre. Et cinquième titre, il est le tout-puissant. Ça veut dire qu'il a toute la puissance. C'est un titre divin. Il n'y a rien qui lui soit impossible parce qu'il est le tout-puissant. Je parle à quelqu'un. Tu souffres peut-être d'une maladie dont les médecins ont déclaré que la maladie est incurable. Mais confie-toi à celui qui est le tout-puissant. Pourquoi vas-tu voir les marabouts, mon ami? Les marabouts là, ils sont limités. Je parle à toi. Tu es parti voir les marabouts. Ils t'ont dit que ton cas est difficile. Ils ne peuvent rien faire. Parce que vraiment, ceux qui te combattent, ils ont un degré supérieur de la sorcellerie du mysticisme. Mais viens voir celui qui s'appelle le Tout-Puissant Jésus-Christ. Il est capable de régler ton problème. Deuxième vérité concerne l'œuvre de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait pour nous? Ou qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il y a trois choses ici. La première chose, il nous aime. Le verset 5 dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime. Son amour est un amour qui est incontestable. Et il a démontré cet amour lorsqu'il a donné sa vie en rançon sur la croix de Golgotha. Je parle à toi, ma sœur. Les gens te disent que Dieu ne t'aime pas parce que ton problème tarde, parce que tes bénédictions tardent, ton mariage tarde. Tu souffres, tu es rejeté par tout le monde. Mais je vais te dire que Jésus-Christ t'aime. Il nous aime d'un amour incommensurable, même si tu es rejeté. Mais lui ne te rejette pas. Deuxième chose, on dit, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est celui qui nous délivre de nos péchés. Lorsque tu viens à Christ, tu le rencontres, tu le reconnais comme Seigneur et Sauveur. Il te délivre de tes péchés. Il te pardonne tous tes péchés parce que son sang a un pouvoir d'effacer tes péchés à telle enseigne que personne ne peut plus te condamner. La Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Je parle à toi, ma sœur. On t'a dit tu as beaucoup avorté. Mais ces avortements-là, quand tu viens à Jésus, Jésus efface, il te purifie. Et tu ne dois plus te sentir coupable. Est-ce que tu comprends? Il te délivre par son sang. Toi qui es toujours dominé par le péché du sexe, tu es toujours dominé par le mensonge, tu es toujours dominé par des chaînes. Celui qui délivre, c'est Jésus. Il te délivre par son sang. Troisième vérité, troisième chose que Jésus fait, il fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu notre Père. Vous voyez, ceci sert à montrer que En Jésus, nous sommes à la fois des rois. C'est-à-dire, nous sommes appelés à régner sur les puissants de l'ennemi. Et nous sommes des sacrificateurs, en ce sens que nous avons la liberté d'entrer dans la présence de Dieu et de prier, d'intercéder pour les autres. C'est ce qu'on appelle la notion du sacerdoce universel. Jésus a fait de chaque chrétien un prophète, un roi et un sacrificateur. Quelle grâce, quel privilège. Troisième grande vérité concerne le retour de Jésus. Oui, le livre de l'Apocalypse est un livre eschatologique. Il nous annonce que Jésus revient. Le verset 7 dit, « Voici, il vient avec les nuées. » Et tout élèvera, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Vous voyez, il y a trois vérités ici concernant le retour de Jésus. D'abord, premièrement, on dit, il vient avec les nuées. Ceci se fera lorsqu'il viendra enlever l'église. La Bible nous dit que nous irons à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Il viendra avec les nuées. Et deuxièmement, on dit, tout élèvera. C'est-à-dire que l'avènement de Jésus sera un événement qu'on ne peut pas raconter. Tout élèvera. On ne peut pas dire que Jésus est venu en cachette quelque part. Il y a des gens qui l'ont vu en Europe ou en Afrique. Non. Tout élèvera. Un événement qui sera visible par toute l'humanité. Tous ceux qui seront là. Et troisième chose, on dit les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Il s'agit de ceux-là qui ne se sont pas repentis, ceux-là qui n'ont pas cru en lui, parce qu'ils se lamenteront à cause du jugement qu'ils vont subir. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que nous puissions glorifier le Seigneur pour toutes ces vérités en chantant ces cantiques. Yeah. homme sur son épaule, son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix, il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est sur son épaule, son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix, il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus magnifie son nom, il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus magnifie son nom, il est roi, il est vraiment roi. Son royaume, royaume est sur son épaule, son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix, il est roi, il est vraiment roi. Son royaume, royaume est sur son épaule, son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix, il est roi, il est vraiment roi. Il est le roi des rois, il est le Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, oh, il est le roi, il est le roi, roi, roi, roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Gloire au Seigneur, élève ta voix, bénis celui qui était, qui est et qui vient bientôt. Bénis celui qui est l'alpha et l'oméga, bénis celui qui est le tout-puissant, il est digne de louange. Je te bénis, éternel notre Dieu, toi le Dieu tout-puissant, toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Sois béni notre Dieu, notre Seigneur, toi qui règnes éternellement, ton règne n'a pas de fin. Oh, nous t'élevons en ce moment, toi qui règnes au-dessus de toute autorité. Oui, nous t'élevons, ô éternel notre Dieu, toi qui as accepté de sacrifier ton Fils Jésus afin de nous racheter, de nous libérer du péché. Oh, nous t'élevons, Jésus, toi le Dieu insondable. Nous t'élevons, toi le ressuscité, toi le premier-né d'entre les morts. Oh, quel honneur te revienne, toi qui nous as sauvés à grand prix. Nous te bénissons. Toi, le témoin fidèle, le Dieu insondable, le Dieu incomparable, l'image visible du Dieu invisible, nous t'élevons, nous te bénissons, nous te glorifions. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à l'émission OSB, Opération sous la brèche. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Apocalypse 1, 4 à 8. Oui, ce passage nous révèle plusieurs titres christologiques. Jésus est éternel. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le témoin fidèle. Il est demeurer fidèle jusqu'à la mort. Il est le premier-né des morts. Il a vaincu la mort, le prince des rois de la terre, le tout-puissant. Tu vas encore te concentrer sur un ou deux titres de Jésus. Tu vas le proclamer. Tu vas dire, oui Seigneur, je crois que c'est toi qui es réellement le Dieu tout-puissant, le témoin fidèle, capable d'agir dans ma vie. Élève ta voix. Alléluia, gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, gloire à notre Père éternel, gloire à l'Alpha et l'Oméga, gloire à celui en qui nous avons reçu la rédemption, gloire à celui qui nous pardonne chaque jour le péché. Il est le témoin fidèle, il est effectivement fidèle. Quand je crie à lui, il répond au moment opportun. C'est lui le fidèle qui combat pour nous. C'est lui le fidèle qui nous restaure chaque jour. C'est lui le fidèle qui renouvelle nos forces chaque jour. C'est lui le prince de paix. Il n'y a point d'autre roi que lui. Tu es le prince de paix, l'unique prince roi de la terre. Père, ce matin encore, je proclame en ta divinité, je sais que Dieu éternel a fait habiter en toi toute ta plénitude. Je sais une chose, que tu es venu réconcilier les hommes, oui, avec Dieu, et c'est la vérité. C'est pour cela, ce matin, mon âme te bénit, mon âme te remercie, parce que tu es un bon père, tu n'abandonnes pas, tu fortifies notre foi, tu es tout puissant, tu es vivant, tu es réel. Sois loué, Jésus, sois béni, merci pour la porte que tu as ouverte dans nos vies, parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es la source de notre vie chrétienne. Sois exalté, sois magnifié. Jésus de Nazareth, c'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir dans ce passage ce que Jésus fait. Il nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Tu vas proclamer l'amour de Jésus pour toi. Et tu vas prier. Peut-être qu'il y a un problème pour lequel tu as besoin de délivrance. Tu dis, tu vas invoquer la puissance de son sang. Tu vas dire, Seigneur, viens me délivrer par ton sang de ma situation, de mon problème, de ce péché qui domine sur moi, de cette maladie, de ces esprits qui me fatiguent. Tu vas invoquer le nom de Jésus et la puissance de son sang. Prie le Seigneur. Amen. Nous venons de voir que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. C'est-à-dire que même si tu vis une situation là, celui qui est le premier et le dernier, c'est lui qui aura le dernier mot sur ta vie. Est-ce que tu comprends? Tu vas prier pour dire, Seigneur, les hommes ont parlé sur ma situation, mais toi là, tu as le dernier mot. C'est toi l'alpha et l'oméga. Et je sais que tu es le tout-puissant, tu es capable d'agir. Tu vas invoquer et prier le Seigneur pour ta situation, au nom de Jésus. force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh, Esprit. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. Gloire au nom qui est au-dessus de tout nom. Ce matin, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et je suis là pour t'apprécier, papa, pour te dire merci, papa. Parce que, Père, tu es la source de toutes mes grâces, de toutes mes bénédictions. Tu es la source de la vie. Tu es la source de la paix. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier. Tu t'appelles, oui, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Merci de visiter cette femme. Merci de visiter les entrailles de cette femme. Car tu n'as pas encore dit ton dernier mot sur son cas que les hommes ont dit impossible. Merci Jésus-Christ de Nazareth parce que tu visites la santé de cette sœur, tu visites la santé de ce frère car tu es l'alpha et l'oméga, tu es le plus grand des médecins, tu dis et la chose arrive. Ce matin, je crois en toi. Parce que, Père, tu es l'alpha, alors tu ouvres une porte pour quelqu'un, la porte de travail, la porte de réconciliation dans ce foyer. Merci, Seigneur, tu es le premier et le dernier, quelles que soient les influences de la sorcellerie. Père, quelqu'un est délivré par ton nom qui est invoqué sur les antennes de la radio. Béni sois-tu l'alpha et l'oméga. Béni sois-tu le premier et le dernier. Gloire, gloire, gloire à toi. Et merci, et merci, et merci à toi l'alpha et l'oméga. C'est en ton nom que nous avons apprécié Dieu ce matin. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais rappeler notre rencontre bonheur conjugal des couples mariés pour demain, dimanche 17 janvier 2016, au CEPE à partir de 17h. Thème, la réalité du combat spirituel dans le mariage, l'entrée est libre. Dîner gala bonheur conjugal pour le samedi 29 janvier 2016 à l'hôtel Bellecôte à partir de 18h30. Les tickets sont déjà disponibles à la radio Fréquence Vie. Ne manquez pas cet événement. Que Dieu vous bénisse. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter. Je